Chapitre 40 des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1. Chapitre 40. Que le goût des biens et des maux dépend en bonne partie de l'opinion que nous en avons. Les hommes, dit une sentence grecque ancienne, sont tourmentés par les opinions qu'ils ont des choses, non par les choses mêmes. Il y aurait un grand point gagné pour le soulagement de notre misérable condition humaine, qui pourrait établir cette proposition vraie tout partout. Car si les maux n'ont entré en nous que par notre jugement, il semble qu'il soit en notre pouvoir de les mépriser ou contourner à bien. Si les choses se rendent à notre merci, pourquoi n'enchevirons-nous, ou ne les accommoderons-nous à notre avantage? Si ce que nous appelons mal et tourment n'est ni mal ni tourment de soi, hein, seulement que notre fantaisie lui donne cette qualité, il est en nous de la changer. Et en ayant le choix, si nul ne nous force, nous sommes étrangement fous de nous bander pour le parti qui nous est le plus ennuyeux, et de donner aux maladies, à l'indigence et au mépris un aigre et mauvais goût, si nous le leur pouvons donner bon. Et si la fortune fournissant simplement de matière, c'est à nous de lui donner la forme. Or, que ce que nous appelons mal ne le soit pas de soi, ou au moins tel qu'il soit, qu'il dépende de nous de lui donner autre saveur et autre visage, car tout revient à un, voyons s'il se peut maintenir. Si l'être originel de ces choses que nous craignons avoir crédit de se loger en nous de son autorité, il logerait pareil et semblable en tout, car les hommes sont tous d'une espèce, et sauf le plus et le moins, se trouvent garnis de pareils outils et instruments pour concevoir et juger. Mais la diversité des opinions que nous avons de ces choses-là montre clairement qu'elles n'entrent en nous que par composition. Tel, à l'aventure, les loge chez soi en leur vrai être, mais mille autres leur donnent un être nouveau et contraire chez eux. Nous tenons la mort, la pauvreté et la douleur pour nos principales parties. Or, cette mort, que les uns appellent des choses horribles la plus horrible, qui ne sait que d'autres la nomment l'unique port des tourments de cette vie, le souverain bien de nature, seul appui de notre liberté, et commune et prompte recette à tout mot. Et comme les uns l'attendent tremblants et effrayés, d'autres la supportent plus aisément que la vie. Celui-là se plaint de sa facilité. Mors utinam pavidos vitae subducere nolles, sed virtus te sola daret. Or, laissons ces glorieux courages. Théodorus répondit à Lysimachus, menaçant de le tuer, tu feras un grand coup d'arriver à la force d'une cantharide. La plupart des philosophes se trouvent à voir ou prévenus par dessein, ou hâtés et secourus leur mort. Combien voit-on de personnes populaires conduites à la mort, et non à une mort simple, mais mêlées de honte et quelquefois de griefs tourments, y apporter une telle assurance, qui par opiniâtreté, qui par simplesse naturelle, qu'on n'y aperçoit rien de changé de leur état ordinaire. Établissant leurs affaires domestiques, se recommandant à leurs amis, chantant, prêchant et entretenant le peuple, voire y mêlant quelquefois des mots pour rire, et buvant à leurs connaissants, aussi bien que Socrate. Un qu'on menait au gibet disait « Qu'on gardât de passer par telle rue, car il y avait danger qu'un marchand lui fît mettre la main sur le collet à cause d'une vieille dette. » Un autre disait au bourreau qu'il ne le touchât pas à la gorge, de peur de le faire tressaillir de rire tant il était chatouilleux. L'autre répondit à son confesseur, qui lui promettait qu'il souperait ce jour-là avec notre Seigneur « Allez-vous-y en, vous, car de ma part je jeûne. » Un autre ayant demandé à boire, et le bourreau ayant bu le premier, dit ne vouloir boire après lui de peur de prendre la vérole. Chacun a ouï faire le compte du picard, auquel, étant à l'échelle, on présente une garce, et que, comme notre justice se permet quelquefois, s'il la voulait épouser, on lui sauverait la vie. Lui, l'ayant un peu contemplée, et aperçu qu'elle boitait, « Attache, attache !» dit-il, « elle cloche !» Et on dit de même qu'en Danemark, un homme condamné à avoir la tête tranchée, étant sur l'échafaud, comme on lui présenta une pareille condition, la refusa, parce que la fille qu'on lui offrit avait des joues avalées et le nez trop pointu. Un valet, à Toulouse, accusé d'hérésie, pour toute raison de sa créance, se rapportait à celle de son maître, jeune écolier prisonnier avec lui, et aima mieux mourir que se laisser persuader que son maître pût errer. Nous lisons de ceux de la ville d'Arras, lorsque le roi Louis XIe l'apprit, qu'il s'en trouva bon nombre parmi le peuple qui se laissèrent pendre plutôt que de dire « Vive le roi !» Et de ces villes âmes de bouffons, il s'en est trouvé qui n'ont voulu abandonner leur gaudisserie en la mort même. Celui à qui le bourreau donnait le branle s'écria « Vogue la galée !» qui était son refrain ordinaire. Et l'autre qu'on avait couché sur le point de rendre sa vie, le long du foyer sur une paillasse, à qui le médecin, demandant où le mal le tenait, « Entre le banc et le feu, » répondit-il. Et le prêtre, pour lui donner l'extrême onction, cherchant ses pieds qu'il avait resserrés et contraints par la maladie, « Vous les trouverez, dit-il, au bout de mes jambes. » À l'homme qu'il exhortait de se recommander à Dieu, « Qui y va ? » demanda-t-il. Et l'autre répondant, « Ce sera tantôt vous-même, s'il lui plaît. Y fussé-je bien demain au soir ? » répliqua-t-il. « Recommandez-vous seulement à lui, suivit l'autre, vous y serez bientôt. » « Il vaut donc mieux, ajouta-t-il, que je lui porte mes recommandations moi-même. » Au royaume de Narsingue, encore aujourd'hui, les femmes de leurs prêtres sont vives ensevelies avec le corps de leur mari. Toutes autres femmes sont brûlées aux funérailles des leurs, non constamment seulement, mais gaiement. À la mort du roi, ses femmes et concubines, ses mignons, et tous ses officiers et serviteurs, qui font un peuple, se présente si allègrement au feu, où son corps est brûlé, qu'ils montrent prendre à grand honneur d'y accompagner leur maître. Pendant nos dernières guerres de 1000 ans, et tant de prises et rescousses, le peuple, impatient de si divers changements de fortune, prit telle résolution à la mort que j'ai ouï dire à mon père qu'il y vit tenir compte de bien 25 mètres de maison qui s'étaient défaits eux-mêmes en une semaine. Accident approchant à celui d'Exantien, lesquels, assiégés par Brutus, se précipitèrent pêle-mêle, hommes, femmes et enfants, à un si furieux appétit de mourir, qu'on ne fait rien pour fuir la mort que ceux-ci ne fissent pour fuir la vie, de manière qu'à peine Brutus en put sauver un bien petit nombre. Toute opinion est assez forte pour se faire épouser au prix de la vie. Le premier article de ce courageux serment que la Grèce jura et maintint en la guerre médoise, ce fut que chacun changerait plutôt la mort à la vie que les lois persiennes aux leurs. Combien voit-on de monde en la guerre des Turcs et des Grecs accepter plutôt la mort très âpre que de se décirconcire pour se baptiser ? Exemple de quoi nulle sorte de religion n'est incapable. Les rois de Castille, ayant banni de leurs terres les Juifs, le roi Jean de Portugal leur vendit, à 8 écus pour tête, la retraite aux siennes pour un certain temps, à condition que, y celui venu, ils auraient à les vider, et lui promettait leur fournir de vaisseaux à les trajeter en Afrique. Le jour arrivé, lequel passait, il était dit que ceux qui n'auraient obéi demeureraient esclaves. Les vaisseaux leur furent fournis écharcement, et ceux qui s'y embarquèrent, rudement et vilainement traités par les passagers, qui, outre plusieurs autres indignités, les amusèrent sur mer, tantôt avant, tantôt arrière, jusqu'à ce qu'ils eussent consommé leurs victuailles, et fussent contraints d'en acheter 2 si chèrement et si longuement qu'on ne les mit à bord qu'ils ne fussent du tout mis en chemise. La nouvelle de cette inhumanité rapportée à ceux qui étaient en terre, la plupart se résolurent à la servitude. Aucun firent contenance de changer de religion. Emmanuel, successeur de Jean, venu à la couronne, les mit premièrement en liberté, et changeant d'avis depuis, leur ordonna de sortir de ces pays, assignant 3 ports à leur passage. Il espérait, dit l'évêque Osorius, non méprisable historien latin de nos siècles, que la faveur de la liberté qu'il leur avait rendue, ayant failli de les convertir au christianisme, la difficulté de se commettre à la volerie des mariniers et d'abandonner un pays où ils étaient habitués, avec grande richesse, pour s'aller jeter en régions inconnues et étrangères, les y ramènerait. Mais se voyant déchu de son espérance, et eux tout délibérés au passage, il retrancha 2 des ports qu'il leur avait promis, afin que la longueur et incommodité du trajet en réduisît aucun, ou qu'il eût moyen de les amonceler tous à un lieu pour une plus grande commodité de l'exécution qu'il avait destinée. Ce fut qu'il ordonna qu'on arrachât d'entre les mains des pères et des mères tous les enfants au-dessous de 14 ans pour les transporter, hors de leur vue et conversation, en lieu où ils fussent instruits à notre religion. Ils disent que cet effet produisit un horrible spectacle. La naturelle affection d'entre les pères et les enfants, et de plus le zèle à leur ancienne créance, combattant à l'encontre de cette violente ordonnance, il y fut vu communément des pères et mères se défaisant eux-mêmes, et d'un plus rude exemple encore, précipitant, par amour et compassion, leurs jeunes enfants dans des puits pour fuir à la loi. Au demeurant, le terme qui leur avait préfixe expiré, par faute de moyens, ils se remirent en servitude. Quelques-uns se firent chrétiens, de la foi desquels ou de leur race, encore aujourd'hui 100 ans après, peu de Portugais s'assurent, quoique la coutume et la longueur du temps soient bien plus fortes conseillères à telle mutation que toute autre contrainte. En la ville de Castelnaudary, 50 albigeois hérétiques souffrirent à la fois, d'un courage déterminé, d'être brûlés vifs en un feu, avant désavouer leurs opinions. « Quoties non modo ductores nostri, » dit Cicero, « sed universi etiam exercitus, ad non dubia mortem concurrerunt. » J'ai vu quelqu'un de mes intimes amis courre la mort à force, d'une vraie affection, et enraciné en son cœur par divers visages de discours, que je ne lui sus rabattre. Et à la première qui s'offrit, coiffée d'un lustre d'honneur, s'y précipitait hors de toute apparence d'une fin âpre et ardente. Nous avons plusieurs exemples en notre temps de ceux, jusqu'aux enfants, qui, de crainte de quelque légère incommodité, se sont donnés à la mort. Et à ce propos, que ne craindrons-nous, dit un ancien, si nous craignons ce que la couardise même a choisi pour sa retraite ? D'enfiler ici un grand rôle de ceux de tout sexe et condition et de toute secte, est-ce siècle plus heureux, qui ont ou attendu la mort constamment ou recherché volontairement, et recherché non seulement pour fuir les maux de cette vie, mais aucun pour fuir simplement la satiété de vivre, et d'autres pour l'espérance d'une meilleure condition ailleurs, je n'aurais jamais fait. Et en est le nombre si infini qu'à la vérité j'aurais meilleur marché de mettre en compte ceux qui l'ont crainte. Ceci seulement. Pyrrho, le philosophe, se trouvant un jour de grande tourmente dans un bateau, montrait à ceux qu'il voyait les plus effrayés autour de lui, et les encourageait, par l'exemple d'un pourceau qui y était, nullement soucieux de cet orage. Oserons-nous donc dire que cet avantage de la raison, de quoi nous faisons tant de fêtes, et pour le respect duquel nous nous tenons maîtres et empereurs du reste des créatures, ait été mis en nous pour notre tourment ? À quoi faire la connaissance des choses, si nous en devenons plus lâches, si nous en perdons le repos et la tranquillité où nous serions sans cela, et si elle nous rend de pires conditions que le pourceau de Pyrrho ? L'intelligence qui nous a été donnée pour notre plus grand bien, l'emploierons-nous à notre ruine, combattant le dessein de nature et l'universel ordre des choses, qui porte que chacun use de ses outils et moyens pour sa commodité ? Bien, me dira-t-on, votre règle serve à la mort. Mais que direz-vous de l'indigence ? Que direz-vous encore de la douleur, que Aristippus, Hieronymus et la plupart des sages ont estimé le dernier mal ? Et ceux qui le niaient de parole le confessaient par effet. Posidonius étant extrêmement tourmenté d'une maladie aiguë et douloureuse, Pompeius le fit voir, et s'excusa d'avoir prieur si importune pour l'ouïr deviser de la philosophie. J'a, à Dieu ne plaise, lui dit Posidonius, que la douleur gagne tant sur moi qu'elle m'empêche d'en discourir, et se jeta sur ce même propos du mépris de la douleur. Mais cependant elle jouait son rôle, et le pressait incessamment, à quoi il s'écriait « Tu as beau faire, douleur, si ne dirais-je pas que tu sois mal ?» Ce conte, qu'ils font en valoir, que porte-t-il pour le mépris de la douleur ? Il ne débat que du mot, et cependant si ses pointures ne l'émeuvent, pourquoi en rompt-il son propos ? Pourquoi pense-t-il faire beaucoup de ne l'appeler pas mal ? Ici, tout ne consiste pas en l'imagination. Nous opinons du reste. C'est ici la certaine science qui joue son rôle. Nos sens même en sont juges. Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis. Ferons-nous accroire à notre peau que les coups des trivières la chatouillent ? Et à notre goût que l'aloé soit du vin de grave ? Le pourceau de Pyrrho est ici de notre écho. Il est bien sans effroi à la mort, mais si on le bat, il crie et se tourmente. Forcerons-nous la générale loi de nature qui se voit en tout ce qui est vivant sous le ciel, de trembler sous la douleur. Les arbres même semblent gémir aux offenses. La mort ne se sent que par le discours, d'autant que c'est le mouvement d'un instant. Aut fuit, aut veniet. Nil est presentis in illa. Morsque minus poenae, quam mora mortis habet. Mille bêtes, mille hommes sont plutôt morts que menacés. Aussi, ce que nous disons craindre principalement en la mort, c'est la douleur, son avant-coureuse coutumière. Toutefois, s'il en faut croire un saint-père, mala mortem non facit, nisi quod sequitur mortem. Et je dirais encore plus vraisemblablement que ni ce qui va devant, ni ce qui vient après, n'est des appartenances de la mort. Nous nous excusons faussement, et je trouve par expérience que c'est plutôt l'impatience de l'imagination de la mort qui nous rend impatients de la douleur, et que nous la sentons doublement grièvre de ce qu'elle nous menace de mourir. Mais la raison accusant notre lâcheté de craindre chose si soudaine, si inévitable, si insensible, nous prenons cet autre prétexte plus excusable. Tous les maux qui n'ont autre danger que du mal, nous les disons sans danger. Celui des dents ou de la goutte, pour grief qu'il soit, d'autant qu'il n'est pas homicide, qui le met en compte de maladie? Or, bien présupposons-le, quand la mort nous regardons principalement la douleur. Comme aussi, la pauvreté n'a rien à craindre que cela qu'elle nous jette entre ses bras par la soif, la faim, le froid, le chaud, l'éveil qu'elle nous fait souffrir. Ainsi, n'ayons affaire qu'à la douleur. Je l'ordonne que ce soit le pire accident de notre être. Et volontiers, car je suis l'homme du monde qui lui veut autant de mal et qui la fuit autant pour jusqu'à présent n'avoir pas eu, Dieu merci, grand commerce avec elle. Mais il est en nous, sinon de l'anéantir, au moins de l'amoindrir par patience. Et quand bien le corps s'en émeuverait, de maintenir ce néanmoins l'âme et la raison en bonne trempe. Et s'il ne l'était, qui aurait mis en crédit la vertu, la vaillance, la force, la magnanimité et la résolution? Où joueraient-elles leur rôle, s'il n'y a plus de douleur à défier? Avida est periculi virtus. S'il ne faut coucher sur la dure, soutenir armé de toutes pièces la chaleur du midi, se paître d'un cheval et d'un âne, se voir détailler en pièces et arracher une balle d'entre les os, se souffrir recoudre, cautériser et sonder, par où s'acquerra l'avantage que nous voulons avoir sur le vulgaire? C'est bien loin de fuir le mal et la douleur, ce que disent les sages, que des actions également bonnes, celle-là est plus souhaitable à faire où il y a plus de peine. Non enim hilaritate, nec lascivia, nec risu, aut ioco comite levitatis, sed sepe etiam tristes, firmitate et constantia, sunt beati. Et à cette cause, il a été impossible de persuader à nos pères que les conquêtes faites par vive force au hasard de la guerre ne fussent plus avantageuses que celles qu'on fait en toute sûreté par pratiques et menées. Laetius est, quoties magno sibi constat honestum. Davantage, cela nous doit consoler que, naturellement, si la douleur est violente, elle est courte. Si elle est longue, elle est légère. Si gravis brevis, si longus levis. Tu ne la sentiras guère longtemps si tu la sens trop. Elle mettra fin à soi ou à toi. L'un et l'autre revient à un. Si tu ne la portes, elle t'emportera. Memineris maximos morte finiri. Parvos multa habere intervalla requietis. Mediocrium nos esse dominos. Ut, si tolerabiles sint, feramus. Sin minus, e vita, cum mea non placeat, tamquam et teatro, exeamus. Ce qui nous fait souffrir avec tant d'impatience la douleur, c'est de n'être pas accoutumés de prendre notre principal contentement en l'âme, de ne nous fonder point assez sur elle, qui est seule et souveraine maîtresse de notre condition. Le corps n'a, sauf le plus et le moins, qu'un train et qu'un pli. Elle est variable en toutes sortes de formes et range à soi, et à son état, quel qu'il soit, les sentiments du corps et tout autre accident. Pourtant la faut-il étudier et enquérir, et éveiller en elle ses ressorts tout-puissants. Il n'y a raison, ni prescription, ni force qui vaille contre son inclination et son choix. De tant de milliers de biais qu'elle a en sa disposition, donnons-lui en impropre à notre repos et conversation, Nous voilà, non couverts seulement de toute offense, mais gratifiés même, et flattés, si bon lui semble, des offenses et des maux. Elle fait son profit de tout indifféremment. L'erreur, les songes, lui servent utilement, comme une loyale matière à nous mettre à garant et en contentement. Il est aisé à voir que ce qui aiguise en nous la douleur et la volupté, c'est la pointe de notre esprit. Les bêtes qui le tiennent sous boucle laissent au corps leurs sentiments libres et naïfs, et par conséquent un à peu près en chaque espèce, ainsi qu'elles montrent par la semblable application de leurs mouvements. Si nous ne troublions pas en nos membres la juridiction qui leur appartient en cela, il est à croire que nous en serions mieux, et que nature leur a donné un juste et modéré tempérament envers la volupté et envers la douleur, et ne peut faillir d'être juste, étant égal et commun. Mais puisque nous nous sommes émancipés de ces règles pour nous abandonner à la vagabonde liberté de nos fantaisies, au moins aidons-nous à les plier du côté le plus agréable. Platon craint notre engagement âpre à la douleur et à la volupté, d'autant qu'il oblige et attache par trop l'âme au corps. Moi plutôt au rebours, d'autant qu'il l'en déprend et décloue. Tout ainsi que l'ennemi se rend plus âpre à notre fuite, aussi s'enorgueillit la douleur à nous voir trembler sous elle. Elle se rendra de bien meilleure composition à qui lui fera tête. Il se faut opposer et bander contre. En nous acculant et tirant arrière, nous appelons à nous et attirons la ruine qui nous menace. Comme le corps est plus ferme à la charge en le roidissant, aussi est l'âme. Mais venons aux exemples qui sont proprement du gibier des gens faibles de reins comme moi, où nous trouverons qu'il va de la douleur comme des pierres, qui prennent couleur ou plus haute ou plus morne, selon la feuille où l'on les couche, et qu'elle ne tient qu'autant de place en nous que nous lui en faisons. Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt. Nous sentons plus un coup de rasoir du chirurgien que 10 coups d'épée en la chaleur du combat. Les douleurs de l'enfantement, par les médecins et par Dieu même, estimées grandes, et que nous passons avec tant de cérémonies, il y a des nations entières qui n'en font nul compte. Je laisse à part les femmes lacédémoniennes, mais aux Suisses, parmi nos gens de pied, quel changement y trouvez-vous? Sinon que, trottant après leur mari, vous leur voyez aujourd'hui porter au col l'enfant qu'elles avaient hier au ventre. Et ces égyptiennes contrefaites, ramassées d'entre nous, vont-elles même laver les leurs qui viennent de naître, et prennent leur bain en la plus prochaine rivière? Outre tant de garces qui dérobent tous les jours leurs enfants en la génération comme en la conception, cette belle et noble femme de Sabinus, patricien romain, pour l'intérêt d'autrui, supporta seule, sans secours et sans voix et gémissements, l'enfantement de 2 jumeaux. Un simple garçonnet de Lacédémone ayant dérobé un renard, car il craignait encore plus la honte de leur sottise au larcin que nous ne craignions la peine de notre malice. Et l'ayant mis sous sa cape, endura plutôt qu'il lui eût rongé le ventre que de se découvrir. Et un autre, donnant de l'encens à un sacrifice, se laissa brûler jusqu'à l'os par un charbon tombé dans sa manche pour ne troubler le mystère. Et s'en est vu un grand nombre, pour le seul essai de vertu, suivant leur institution, qui ont souffert en l'âge de 7 ans d'être fouettés jusqu'à la mort sans altérer leur visage. Et Cicéro les a vus se battre à troupes, de poings, de pieds et de dents, jusqu'à s'évanouir, avant que d'avouer être vaincus. Nunquam naturam mos vinceret. Est animea semper invicta, sed nos umbris delicis otio languore desidia animum infecimus, opinionibus maloque more delinitum mollivimus. Chacun sait l'histoire de Cévola qui s'étant coulé dans le camp ennemi pour en tuer le chef et ayant failli d'atteinte, pour reprendre son effet d'une plus étrange invention et décharger sa patrie, confessa à Porsena, qui était le roi qu'il voulait tuer, non seulement son dessein, mais ajouta qu'il y avait en son camp un grand nombre de Romains complices de son entreprise, tels que lui. Et pour montrer quel il était, s'étant fait apporter un brasier, vit et souffrit griller et rôtir son bras, jusqu'à ce que l'ennemi même, en ayant horreur, commanda ôter le brasier. Quoi ? Celui qui ne daigna interrompre la lecture de son livre, pendant qu'on l'incisait, et celui qui s'obstina à se moquer et à rire, à l'envie des mots qu'on lui faisait, de façon que la cruauté irritait des bourreaux qui le tenaient, Et toutes les inventions des tourments redoublés les uns sur les autres lui donnèrent gagné. Mais c'était un philosophe. Quoi, un gladiateur de César endura, toujours riant, qu'on lui sondât et détaillât ses plaies? Quis mediocris gladiator inge muit? Quis vultum mutavit unquam? Quis non modo stetit, verum etiam decubuit turpiter? Quis, cum decubuisset, ferrum recipere iussus, collum contraxit? Mêlons-y les femmes. Qui n'a ouï parler à Paris de celle qui se fit écorcher pour seulement en acquérir le teint plus frais d'une nouvelle peau? Il y en a qui se sont fait arracher des dents vives et saines pour en former la voix plus molle et plus grasse, ou pour les ranger en meilleur ordre. Combien d'exemples du mépris de la douleur avons-nous en ce genre? Que ne peuvent-elles, que craignent-elles, pour peu qu'il y ait d'agencement à espérer en leur beauté? Vellere queis cura est albos astirpe capillos, et faciem, dempta pelle, referre novam. J'en ai vu engloutir du sable, de la cendre, et se travailler à point nommé de ruiner leur estomac pour acquérir les pâles couleurs. Pour faire un corps bien espagnolé, quelle géhenne ne souffre-t-elle, guindées et sanglées, à tout de grosses coches sur les côtes, jusques à la chair vive? Oui, quelquefois à en mourir. Il est ordinaire à beaucoup de nations de notre temps de se blesser à escient pour donner foi à leurs paroles. Et notre roi en récite des notables exemples de ce qu'il a vu en Pologne et en l'endroit de lui-même. Mais outre que je sais en avoir été imité en France par aucun, quand je vins de ces fameux états de Blois, j'avais vu, peu auparavant, une fille en Picardie, pour témoigner la sincérité de ses promesses et aussi sa constance, se donner, du poinçon qu'elle portait en son poil, 4 ou 5 bons coups sur le bras, qui lui faisaient craqueter la peau et la saignaient bien en bon escient. Les Turcs se font des grandes escarres pour leurs dames, et afin que la marque y demeure, ils portent soudain du feu sur la plaie et l'y tiennent un temps incroyable pour arrêter le sang et former la cicatrice. Gens qui l'ont vu l'ont écrit et me l'ont juré. Mais pour 10 aspres, il se trouve tous les jours entre eux personne qui se donnera une bien profonde taillade dans le bras ou dans les cuisses. Je suis bien aise que les témoins nous sont plus à main ou nous en avons plus à faire, car la chrétienté nous en fournit à suffisance. Et après l'exemple de notre saint guide, il y a eu force qui, par dévotion, ont voulu porter la croix. Nous apprenons par témoins très dignes de foi que le roi Saint-Louis porta la haie jusqu'à ce que, sur sa vieillesse, son confesseur l'en dispensât, et que tous les vendredis il se faisait battre les épaules par son prêtre de 5 chaînettes de fer que pour cet effet on portait en mis ses besognes de nuit. Guillaume, notre dernier duc de Guyenne, père de cet Aliénor qui transmit ce duché aux maisons de France et d'Angleterre, porta les 10 ou 12 derniers ans de sa vie continuellement un corps de cuirasse sous un habit de religieux par pénitence. Foulque, comte d'Anjou, alla jusqu'en Jérusalem, pour là se faire fouetter à 2 de ses valets, la corde au col, devant le sépulcre de notre Seigneur. Mais ne voit-on encore tous les jours, vendredi saint, en divers lieux, un grand nombre d'hommes et de femmes se battre jusqu'à se déchirer la chair et percer jusqu'aux os? Cela ai-je vu souvent, et sans enchantement, et disait-on, car ils vont masquer, qu'il y en avait qui, pour de l'argent, entreprenaient en cela de garantir la religion d'autrui, par un mépris de la douleur d'autant plus grand que plus peuvent les aiguillons de la dévotion que de l'avarice. Quintus Maximus enterra son fils consulaire, Marcus Cato le sien prêteur désigné, et Lucius Paulus, les siens d'eux, en peu de jours, d'un visage rassis et ne portant nul témoignage de deuil. Je disais en mes jours de quelqu'un en gaussant qu'il avait choué la divine justice, car la mort violente de 3 grands enfants lui ayant été envoyée en un jour pour un âpre coup de verge, comme il est à croire, peu s'en fallut qu'il ne la prît à faveur et gratification singulière du ciel. Je n'en suis pas à ces humeurs monstrueuses, mais j'en ai perdu en nourrice 2 ou 3, sinon sans regret, au moins sans fâcherie. Si n'est-il guère d'accidents qui touchent plus au vif les hommes. Je vois assez d'autres communes occasions d'affliction qu'à peine sentirais-je si elles me venaient, et en ai méprisé comme elles me sont venues, de celles auxquelles le monde donne une si atroce figure que je n'oserais m'en vanter au peuple sans rougir. Ex quo intelligitur, non in natura, sed in opinione esse aecritudinem. L'opinion est une puissante partie, hardie et sans mesure. Qui rechercha jamais de telles fins la sûreté et le repos qu'Alexandre et César ont fait l'inquiétude et les difficultés? Thérèse, le père de Citalcès, soulait dire que quand il ne faisait point la guerre, il lui était avis qu'il n'y avait point différence entre lui et son palefrenier. Caton, consul, pour s'assurer d'aucune ville en Espagne, ayant seulement interdit aux habitants d'Icelle de porter les armes, grand nombre se tuèrent. Ferox gens, nullam vitam rati sine armis esse. Combien en savons-nous qui ont fui la douceur d'une vie tranquille en leur maison, parmi leurs connaissants, pour suivre l'horreur des déserts inhabitables, et qui se sont jetés à l'abjection, vilité et mépris du monde, et s'y sont plu jusqu'à l'affectation? Le cardinal Borromée, qui mourut dernièrement à Milan, au milieu de la débauche à quoi le conviait et sa noblesse, et ses grandes richesses, et l'air de l'Italie, et sa jeunesse, se maintint en une forme de vie si austère que la même robe qui lui servait en été lui servait en hiver. N'avait pour son coucher que la paille, et les heures qui lui restaient des occupations de sa charge, il les passait étudiant continuellement, planté sur ses genoux, ayant un peu d'eau et de pain à côté de son livre, qui était toute la provision de ses repas et tout le temps qu'il y employait. J'en sais qui, à leur escient, ont tiré et profit et avancement du cocuage, de quoi le seul nom effraie tant de gens. Si la vue n'est le plus nécessaire de nos sens, il est au moins le plus plaisant. Mais les plus plaisants et utiles de nos membres semblent être ceux qui servent à nous engendrer. Toutefois, assez de gens les ont pris en haine mortelle, pour cela seulement qu'ils étaient trop aimables, et les ont rejetés à cause de leur prix. Autant en opina des yeux celui qui se les creva. La plus commune et plus saine part des hommes tient à grande heure l'abondance des enfants, moi et quelques autres à pareille heure le défaut. Et quand on demande à Thalès pourquoi il ne se marie point, il répond qu'il n'aime point à laisser ligner de soi. Que notre opinion donne prise aux choses. Il se voit par celles, en grand nombre auxquelles nous ne regardons pas seulement pour les estimer, ainsi à nous, et ne considérons ni leurs qualités ni leurs utilités, mais seulement notre coût à les recouvrer, comme si c'était quelques pièces de leur substance, et appelons valeur en elles, non ce qu'elles apportent, mais ce que nous y apportons. Sur quoi je m'avise que nous sommes grands ménagers de notre mise. Selon qu'elle pèse, elle sert de ce même qu'elle pèse. Notre opinion ne la laisse jamais courir à faux frais. L'achat donne titre au diamant, et la difficulté à la vertu, et la douleur à la dévotion, et l'âpreté à la médecine. Tel, pour arriver à la pauvreté, jeta ses écus en cette même mer que tant d'autres fouillent de toutes parts pour y pêcher des richesses. Épicurus dit que l'être riche n'est pas soulagement, mais changement d'affaires. De vrai, ce n'est pas la disette, c'est plutôt l'abondance qui produit l'avarice. Je veux dire mon expérience autour de ce sujet. J'ai vécu en trois sortes de conditions depuis être sorti de l'enfance. Le premier temps, qui a duré près de 20 années, je le passais n'ayant autre moyen que fortuit et dépendant de l'ordonnance et secours d'autrui, sans état certain et sans prescription. Ma dépense se faisait d'autant plus allègrement et avec moins de soin, qu'elle était toute en la témérité de la fortune. Je ne fus jamais mieux. Il ne m'est donc advenu de trouver la bourse de mes amis close, m'étant enjoint, au-delà de toute autre nécessité, la nécessité de ne faillir au terme que j'avais pris à m'acquitter, lequel ils m'ont 1000 fois allongé, voyant l'effort que je me faisais pour leur satisfaire, en manière que j'en rendais ma loyauté ménagère et aucunement piperesse. Je me sens naturellement quelque volupté à payer, comme si je déchargeais mes épaules d'un ennuyeux poids et de cette image de servitude, aussi qu'il y a quelque contentement qui me chatouille à faire une action juste et contenter autrui. J'accepte les paiements où il faut venir à marchander et compter, car si je ne trouve à qui en commettre la charge, je les éloigne honteusement et injurieusement tant que je puis, de peur que cette altercation, à laquelle est mon humeur et ma forme de parler, est du tout incompatible. Il n'est rien que je haïsse comme à marchander, c'est un pur commerce de trichoterie et d'impudence. Après une heure de débat et de barguignage, l'un et l'autre abandonnent sa parole et ses serments pour 5 sous d'amendement. Et si empruntais avec des avantages, car n'ayant point le cœur de requérir en présence, j'en renvoyais le hasard sur le papier, qui ne fait guère d'efforts, et qui prête grandement la main aux refusés. Je me remettais de la conduite de mon besoin plus gaiement aux astres et plus librement que je n'ai fait depuis à ma providence et à mon sens. La plupart des ménagers estiment horrible de vivre ainsi en incertitude, et ne s'avisent pas, premièrement, que la plupart du monde vit ainsi, combien d'honnêtes hommes ont rejeté tout leur certain à l'abandon, et le font tous les jours pour chercher le vent de la faveur des rois et de la fortune. César s'endetta d'un 1 000 000 d'or, outre son vaillant, pour devenir César. Et combien de marchands commencent leur trafic par la vente de leurs métairies qu'ils envoient aux Indes ? Tot per in potentia fretta. En une si grande siquité de dévotion, nous avons 1 000 et 1 000 collèges qui la passent commodement, attendant tous les jours de la libéralité du ciel ce qu'il faut à eux dîner. Secondement, ils ne s'avisent pas que cette certitude sur laquelle ils se fondent n'est guère moins incertaine et hasardeuse que le hasard même. Je vois d'aussi près la misère au-delà de 2 000 écus de rente que si elle était tout contre moi, car outre ce que le sort a de quoi ouvrir sans brèches à la pauvreté, au travers de nos richesses, n'y ayant souvent nul moyen entre la suprême et infime fortune, fortuna vitrea est, tum cum splendet frangitur. Et envoyé cul sur pointe, toutes nos défenses élevées, je trouve que, par diverses causes, l'indigence se voit autant ordinairement logée chez ceux qui ont des biens que chez ceux qui n'en ont point, et qu'à l'aventure, est-elle aucunement moins incommode quand elle est seule que quand elles se rencontrent en compagnie des richesses. Elles viennent plus de l'ordre que de la recette, faber est suae quisque fortunae, et me semble plus misérable un riche malaisé, nécessiteux, affaireux, que celui qui est simplement pauvre. Indivitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est. Les plus grands princes et plus riches sont, par pauvreté et disette, poussés ordinairement à l'extrême nécessité. Car en est-il de plus extrême que d'en devenir tyrans et injustes usurpateurs des biens de leurs sujets ? Ma seconde forme, ça a été d'avoir de l'argent. À quoi m'étant pris, j'en fis bientôt des réserves notables, selon ma condition, n'estimant pas que ce fût avoir sinon autant qu'on possède, outre sa dépense ordinaire, ni qu'on se puisse fier du bien qui est encore en espérance de recette, pour claire qu'elle soit. Car quoi, disais-je, si j'étais surpris d'un tel ou tel accident ? Et à la suite de ces vaines et vicieuses imaginations, j'allais faisant l'ingénieuse à pourvoir, par cette superflue réserve, à tout inconvénient. Et savais encore répondre, à celui qui m'alléguait que le nombre des inconvénients était trop infini, que si ce n'était à tous, c'était à aucun et plusieurs. Cela ne se passait pas sans pénible sollicitude, j'en faisais un secret. Et moi, qui ose tant dire de moi, ne parler de mon argent qu'en mensonge, comme font les autres qui s'appauvrissent riches, qui s'enrichissent pauvres, et dispensent leur conscience de jamais témoigner sincèrement de ce qu'ils ont. Ridicule et honteuse prudence ! Allais-je en voyage ? Il ne me semblait être jamais suffisamment pourvu. Et plus je m'étais chargé de monnaie, plus aussi je m'étais chargé de crainte, tantôt de la sûreté des chemins, tantôt de la fidélité de ceux qui me conduisaient mon bagage, duquel, comme d'autres que je connais, je ne m'assurais jamais assez si je ne l'avais devant mes yeux. Laissais-je ma boîte chez moi ? Combien de soupçons et pansements épineux, et qui pisaient incommunicables ! J'avais toujours l'esprit de ce côté. Tout compté, il y avait plus de peine à garder l'argent qu'à l'acquérir. Si je n'en faisais du tout tant que j'en dis, au moins il me coûtait à m'empêcher de le faire. De commodité, j'en tirais peu ou rien. Pour avoir plus de moyens de dépense, elle ne m'en pesait pas moins, car, comme disait Bion, autant se fâche le chevelu comme le chauve qu'on lui arrache le poil. Et depuis que vous êtes accoutumé et avez planté votre fantaisie sur certains monceaux, il n'est plus à votre service, vous n'oseriez l'écorner. C'est un bâtiment qui, comme il vous semble, croulera tout si vous y touchez. Il faut que la nécessité vous prenne à la gorge pour l'entamer. Et auparavant, j'engageais mes hardes et vendais un cheval, avec bien moins de contraintes et moins envie, que l'or je ne faisais brèche à cette bourse favorite que je tenais à part. Mais le danger était que malaisément peut-on établir bornes certaines à ce désir. Elles sont difficiles à trouver, est-ce chose qu'on croit bonne ? Et arrêter un point à l'épargne. On va toujours grossissant cet amas, et l'augmentant d'un nombre à l'autre, jusqu'à se priver vilainement de la jouissance de ses propres biens, et l'établir tout en la garde, et n'en user point. Selon cette espèce d'usage, ce sont les plus riches gens du monde, ceux qui ont charge de la garde des portes et murs d'une bonne ville. Tout homme pécunieux et avaricieux à mon gré. Platon range ainsi les biens corporels ou humains, la santé, la beauté, la force, la richesse. La richesse, dit-il, n'est pas aveugle, mais très clairvoyante, quand elle est illuminée par la prudence. Dionysius le fils eut bonne grâce. On l'avertit que l'un de ses Syracusains avait caché dans terre un trésor. Il lui manda de le lui apporter, ce qu'il fit en réservant à la dérobée quelque partie, avec laquelle il s'en alla en une autre ville, où, ayant perdu cet appétit de thésauriser, il se mit à vivre plus libéralement. Ce qu'entendant, Dionysius lui fit rendre le demeurant de son trésor, disant que, puisqu'il avait appris à en savoir user, il le lui rendait volontiers. Je fus quelques années en ce point. Je ne sais quel bon démon m'en jeta hors très utilement, comme le Syracusain, et m'envoya toute cette conserve à l'abandon. Le plaisir de certains voyages, de grandes dépenses, ayant mis au pied cette sotte imagination, par où je suis retombé à une tierce sorte de vie, je dis ce que j'en sens, certes plus plaisante beaucoup et plus réglée, c'est que je fais courir ma dépense quand et quand ma recette, tantôt l'une devance, tantôt l'autre, mais c'est de peu qu'elle s'abandonne. Je vis du jour à la journée et me contente d'avoir de quoi suffire aux besoins présents et ordinaires. Aux extraordinaires, toutes les provisions du monde n'y sauraient suffire. Et est folie de s'attendre que fortune elle-même nous arme jamais suffisamment contre soi. C'est de nos armes qu'il la faut combattre. Les fortuites nous trahiront au bon du fait. Si j'amasse, ce n'est que pour l'espérance de quelque voisine en plaite, non pour acheter des terres, de quoi je n'ai que faire, mais pour acheter du plaisir. Non esse cupidum pecunia est, non esse emacem vectigal est. Je n'ai ni guère peur que bien me faille, ni nul désir qui l'augmente. Divitiarum fructus est in copia, copiam declarat satietas. Et me gratifie singulièrement que cette correction me soit arrivée en un âge naturellement enclin à l'avarice, et que je me vois défait de cette folie si commune aux vieux et la plus ridicule de toutes les humaines folies. Férolès, qui avait passé par les deux fortunes, et trouvé que la croix de Chevance n'était pas à croix d'appétit au boire, manger, dormir et embrasser sa femme, et qui d'autre part sentait peser sur ses épaules l'importunité de l'économie, ainsi qu'elle le fait à moi, délibéra de contenter un jeune homme pauvre, son fidèle ami, aboyant après les richesses, et lui fit présent de toutes les siennes, grandes et excessives, et de celles encore qu'il était en train d'accumuler tous les jours par la libéralité de Cyrus son bon maître, et par la guerre. Moyennant qu'il prit la charge de l'entretenir et nourrir honnêtement, comme son hôte et son ami. Ils vécurent ainsi depuis très heureusement, et également contents du changement de leurs conditions. Voilà un tour que j'imiterai de grand courage, et loue grandement la fortune d'un vieux prélat que je vois s'être si purement démis de sa bourse, de sa recette et de sa mise, tantôt à un serviteur choisi, tantôt à un autre, qu'il a coulé un long espace d'années, autant ignorant cette sorte d'affaire de son ménage comme un étranger. La fiance de la bonté d'autrui est un non léger témoignage de la bonté propre. Partant, la favorise Dieu volontiers. Et pour son regard, je ne vois point d'ordre de maison, ni plus dignement, ni plus constamment conduit que le sien. Heureux qui ait réglé à si juste mesure son besoin, que ses richesses y puissent suffire sans son soin et empêchement, et sans que leur dispensation ou assemblage interrompe d'autres occupations qu'il suit, plus convenables, plus tranquilles, et selon son cœur. L'aisance donc et l'indigence dépendent de l'opinion d'un chacun, et non plus la richesse que la gloire, que la santé, n'ont qu'autant de beauté et de plaisir que leur en prête celui qui les possède. Chacun est bien ou mal, selon qu'il s'en trouve. Non de qui on le croit, mais qui le croit de soi est content. Et en cela seul, la créance se donne essence et vérité. La fortune ne nous fait ni bien ni mal, elle nous offre seulement la matière et la semence, laquelle notre âme, plus puissante qu'elle, tourne et applique comme il lui plaît, seule cause et maîtresse de sa condition heureuse ou malheureuse. Les accessions externes prennent saveur et couleur de l'interne constitution, comme les accoutrements échauffent, non de leur chaleur, mais de la nôtre, laquelle ils sont propres à couver et nourrir. Qui en abriterait un corps froid, il en tirerait même service pour la froideur. Ainsi se conservent la neige et la glace. Certes, tout en la manière qu'un fainéant l'étude sert de tourment, un ivrogne l'abstinence du vin, la frugalité est supplice au luxurieux, et l'exercice gêne à un homme délicat et oisif. Ainsi en est-il du reste. Les choses ne sont pas si douloureuses ni difficiles d'elles-mêmes, mais notre faiblesse et lâcheté les fait telles. Pour juger des choses grandes et hautes, il faut une âme de même. Autrement, nous leur attribuons le vice qui est le nôtre. Un aviron droit semble courbe en l'eau. Il n'importe pas seulement qu'on voit la chose, mais comment on la voit. Orsu, pourquoi de tant de discours qui persuadent diversement les hommes de mépriser la mort et de porter la douleur, n'en trouvons-nous quelqu'un qui fasse pour nous? Et de tant d'espèces d'imagination qui l'ont persuadé à autrui, que chacun en applique-t-il à soi une, le plus selon son humeur? S'il ne peut digérer la drogue forte et abstersive pour déraciner le mal, au moins qu'il la prenne lénitive pour le soulager. Opinio est quaedam effeminata ac levis, nec in dolore magis quam eadem in voluptate. Qua cum liquescimus, fluimusque mollitia, apis saculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes. Au demeurant, on n'échappe pas à la philosophie pour faire valoir outre mesure l'âpreté des douleurs et l'humaine faiblesse, car on la contraint de se rejeter à ses invincibles répliques. S'il est mauvais de vivre en nécessité, au moins de vivre en nécessité, il n'est aucune nécessité. Nul n'est mal longtemps qu'à sa faute. Qui n'a le cœur de souffrir ni la mort ni la vie? Qui ne veut ni résister ni fuir? Que lui ferait-on? Fin du chapitre 40.